Alright? Ouais. Sensino. Bah. Aïe, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Vu, hein? Hey. À ce qui paraît, tu suces trop, enfoiré. Ouais. Aïe. À ce qui paraît, tu suces. Y'a pas de suceuse chez moi. Aïe. Ouais. Ok. Tu veux de lourd, je veux de l'or, dealer. Je dégaine à toute allure. Je reste pur et dur et je mets tout tes pentes à l'heure. Protège rien, attitude fidèle depuis le début. Je reste debout, ouais, mec. Fais pas comme ces gros trous de cul, hein. Y'en a qui sucent, y'en a qui retournent leur veste. Ouais, je préfère rester en chien et reste des chiens. Foutre la merde comme une peste. Tu veux une garotte bien râpée, on a ce qu'il faut pour toi. Tais-toi et attends-toi, une grosse banane de chez moi. Y'en a qui pèsent, y'en a qui pompent. Choisis ton camp, faut pas que tu trompes. Avec ma troupe, on reste vrai, on fait 5-5 sur les comptes. Fais pas le con, s'il faut sucer pour le succès. Je préfère me retirer, je ramène le fusil dans ce bordel. Et je me mets à tirer, je représente la banlieue. Les guerriers là dans le lieu. Ainsi que mauvaise langue, l'équipe avec qui on avance dans ce milieu. Pour le sèvre, toujours au rendez-vous. Demande aux putes quand on se pose. Tu sais ce que je mets en garde à vous. J'en ai 80 à faire. Pour les frères, y'a dans le trou que je peux viser. Le 151 demande ta meuf connaît. Ouais, c'est le magma du pont de Sèvres et tous les frères s'y mettent. Guerre, la vie extérieure m'intéresse. Guerre, pour risque de guerre, je flaire. Que la bite pour lui est un atout clair. Cher, comment certains aiment le liquide clair. Comment certains vivent de cette technique digne de misère. Qu'on s'y préserve, frère, gère. Mon compte digère les cons. Et petit à petit, je construis ma barrière. Mais mon son clair, de toute façon, arrête de sucer. Quitte à stopper le rap business et s'immiscer. T'sais, y'a ceux qui sucent et réussissent, mais dont leur avenir est triste. Et que j'attriste que pour leur succès. Je me fixe un objectif, chacun est égaux. Et que tu pèses ou que t'es un chien, pareil seront mes mots. Insolite, ouais, les sites anti-schmitte dans ma crypte. À un flic, y'a pas de suceur de bite. Je mets des baisers de bite lourd, dealer de shit pour faire un peu de bif quand ça galère dans la cour. Les lardons d'ardu, pète le four, c'est hard. Tu demandes le pardon et tu suces la cour en balançant tes frères de galère, tes frères de misère, tes frères gangsters. Ceux qui portent les courses de ta mère, la mère et la vie. Sur le parvis, on fait tous partie du stress bizarre, bipé à la momie. Et ceux qui traînent dans mon holocartier, ceux qu'on la gaule pour la gaule et dans le froc à mortier. Et on est sans pitié si tu suces tes kilomètres de queue pour des pépés vieux. Regarde ta bouche est irritée. On ramène la vérité sur Expander et reste undercover dans le secteur car y'a trop d'heures.